On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paire. Maman m'a dit, t'es trop petit pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûr qu'on t'en a dit de belles histoires. Tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Qui a le droit? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment.